l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Une journée dure 24 heures, une année 365 ou 366 jours, une décennie dure 10 ans, et même si on croit avoir l'impression que la décennie qui vient de s'écouler a passé beaucoup plus vite que la précédente, on finit par faire miroiter des émotions dans les butées des durées ressenties sur les durées objectives égrenées par les calendriers et les pendules. De ce point de vue, les musiques les plus étirées, parce qu'elles atteignent des durées très longues, parfois de plusieurs heures, sont pourtant celles qui nous donnent un contact très pesé à chaque battement du temps. Parmi les compositeurs du XXe siècle, il en est un qui s'est spécialisé dans les durées longues, très longues, avec des œuvres qui durent régulièrement 4, 5, 6 ou 7 heures. L'Américain Morton Feldman faisait des œuvres qui pouvaient paraître d'autant plus longues qu'il s'y passe très peu de choses. Après avoir interrogé l'un de ses étudiants, Frank Pequet, nous écouterons le pianiste Nicolas Horvat qui joue de temps en temps Vexation d'Eric Satie, une partition courte qui demande d'être jouée 840 fois de suite et qui peut alors durer de 18 à 24 heures selon que l'on fait toutes les reprises ou et que l'on prend un tempo plus ou moins lent. Mais aussi la performeuse Natacha Guillère qui passe des heures au téléphone à allonger longuement et prolonger très sciemment les conversations. Frank Pequet, vous avez connu Morton Feldman. Comment vous vous expliquez qu'il ait fait des œuvres aussi longues, plusieurs heures? Alors, effectivement, j'ai connu Feldman à la toute fin de sa vie, en 87, alors que j'étais à l'université de Californie, San Diego. Et il venait tout juste d'être invité pour faire un séminaire de composition. Et c'est à cette occasion que j'ai l'approcher, si je puis dire. J'ai effectivement le souvenir de quelqu'un de très sympathique, pas forcément loquace, et qui se posait des problèmes assez similaire à ceux à l'époque que pouvait se poser Pierre Boulez, qu'il mentionnait d'ailleurs sur l'idée et le système. Quand vous dites qu'il était pas très loquace, peut-être qu'il faut le rapprocher de sa musique. Alors ça veut dire qu'il avait pas grand chose à dire, mais qu'il voulait le dire sur très longtemps. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui s'exprimait avec une certaine difficulté, je dirais. C'est-à-dire que ses cours collectifs, par exemple, duraient quelquefois 6 heures. Et on était convoqué à 2 heures de l'après-midi et on repartait à 8 heures du soir. On était à ce moment-là une dizaine. Et il disait pas grand-chose. Il nous avait présenté, je m'en souviens, Coptic Lights, qui était une de ses dernières œuvres, qui durait bien 4 heures, puisqu'il est réputé pour faire des œuvres très longues. Et le cours avait commencé sans vraiment d'explication. Alors peut-être qu'à cette époque, on était désireux d'explications, de commentaires sur comment vous avez fait pour créer cette œuvre. En tout cas, elle nous en a assez peu donné, autant que je m'en souvienne. Et il mettait la musique. Le cours se terminait, on était tous allongés par terre à écouter. On pouvait dormir, c'était pas si important. Et après, éventuellement, un échange, et lui, il était là. Et je veux dire que l'interaction n'était pas son fort avec nous, en tout cas, il disait pas grand-chose. Comment ça se fait que ça prenait autant de temps? C'est à cause d'un... Parce qu'on pourrait être tenté de se dire, comme je disais, je blaguais un peu à l'instant, qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais en fait ça peut venir d'ailleurs, c'est-à-dire d'un rapport extrêmement étiré au rythme. Pour que le rythme existe, il faut qu'il soit distendu. Alors, je pense que Feldman était... assez intéressé par l'idée que le temps est circulaire et donc à partir de ce moment-là qu'on est dans des stases temporelles qui ne sont pas téléologiques et on ne sait jamais quand est-ce qu'elle démarre et quand est-ce qu'elle se termine. Du coup, il fait des propositions que l'on a pu qualifier finalement à une époque expérimentale, assez influencée par son ami Cage, avec des structures finalement bien départagées, c'est-à-dire qu'il écrivait quand même, il avait un système compositionnel particulier, et il travaillait sur les durées en stase, à savoir que les arrêter n'est pas ce qui importait, ni les superposer. C'est difficile à dire finalement ce qu'il recherchait dans ses compositions. Pour moi, c'est l'idée, comme Daniel Charles a pu nous le dire, d'un temps circulaire, donc d'une stase constituée de plusieurs moments, pas forcément avec des identités spécifiques, puisque quand on regarde son matériau musical, il y a assez peu de notes, c'est très minimaliste, et cela suppose une concentration finalement sur l'écoute, mais aussi bien finalement l'écoute de soi que l'écoute des sons. Et ça vous plonge dans une sorte de méditation. on répète la même chose 840 fois. Donc au bout d'un moment, on n'a plus véritablement à se concentrer sur la musique, puisque la musique est là, de toute manière. Les doigts font le travail, le cerveau aussi. Donc on peut se laisser aller dans la musique, et on peut se laisser aller dans l'émotion. En jouant 840 fois la même partition, il arrive toujours, tôt ou tard, des émotions particulièrement fortes. On va avoir ces émotions fortes, on va avoir le désespoir, on va avoir la joie, la tristesse, le recueillement. Mais je n'ai jamais remarqué de suite logique. La seule chose que j'ai pu remarquer, mais dans les vexations elles-mêmes, c'était en général autour des répétitions 500 à 700 ou 400 à 680, enfin quelque chose comme ça. Véritablement un désespoir, mais qui peut être multiple en général, c'est d'ordre physique. Parce qu'on se dit quand même que... Enfin, on se pose la question à savoir pourquoi on fait une chose comme ça. Si elles prennent des durées flottantes, sans doute différentes, mais sans réellement se soucier d'être si différentes que ça d'une fois à l'autre, ces émotions forment une sorte de cycle. C'est un petit peu, d'une certaine manière, comme si... Enfin, ce moment de désespoir vous permet de dépasser véritablement votre corps physique ou vos limites. Et forcément, quand on dépasse toujours ses limites, on a un grand moment de doute. Et on a ce moment où on aimerait arrêter, où finalement on ne comprend même pas pourquoi on le fait, si ce n'est pour l'art, avec un grand A, ou pour rendre hommage à un compositeur. Mais à ce moment-là, on pourrait le faire aussi à travers un récital. Et ce qui est étonnant, c'est que... Enfin, en revanche, ça arrive beaucoup moins souvent, c'est qu'il arrive de temps en temps qu'on a de véritables... Comment je pourrais dire ? Enfin, moi, j'associe ça, le peu de fois où ça m'est arrivé, à une espèce de... Enfin, pour les Japonais, on appelle ça le Satori. Après, on peut appeler ça le Nirvana, sauf que le mot est devenu un petit peu... Comment je peux dire ? Un petit peu tout et rien dire, maintenant. Mais éveil, en quelque sorte. Clairvoyance. si elles prennent des durées flottantes, sans doute différentes, mais sans réellement se soucier d'être si différentes que ça d'une fois à l'autre, ces émotions forment une sorte de cycle. 50% de mes exécutions des vexations, c'est-à-dire la moitié des exécutions, j'ai eu cette impression de voir véritablement toute ma vie en face de moi. Et c'était vraiment bouleversant. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si je voyais toutes les interactions humaines que j'avais eues tout au long de ma vie, qui étaient face à moi, comme sur un planisphère, et que finalement, les erreurs que j'avais pu faire, relationnelles ou qu'importe, enfin des problèmes, venaient de certaines sources, de certains mots qui avaient engrangé certaines animosités qui après s'étaient transformées en dispute, enfin, ça, on a tous expérimenté ce genre de choses. Mais ce moment de clairvoyance, est-ce qu'il intervient à peu près tout le temps dans la même zone des 840 fois? À peu près, oui. Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a quand même un cycle. Oui, mais c'est pas régulier. Enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que pour ce moment de clairvoyance en particulier... Il est toujours autour de 300 quand même. Non, il est plutôt autour des 700. Ah, au moment où la fatigue est très installée. Non, au contraire, quand on n'a plus la fatigue. Quand on a passé ce cap de la douleur extrême, on a passé ce temps affreux, justement, de la fatigue. Je me souviens que quand j'ai fait les 35 heures des vexations, la douleur a été encore plus extrême une fois que j'avais dépassé les 24 heures. Là où j'avais dépassé les 20 heures, en fait. Puisque finalement, quand on fait 24 heures, quand on arrive à 20 heures, ça va. Puisque la fin est proche. Mais quand vous faites 30-35 heures et que vous arrivez à 20 heures, je me souviens, parce que ça c'est quelque chose que j'avais oublié, mais que j'ai relu. Je pense que c'était le New Yorker qui avait fait une espèce de petit article sur les vexations et qui avait repris certains de mes commentaires que j'avais mis sur YouTube et des choses que j'avais complètement oubliées, où je disais qu'à partir de 20 heures, que l'enfer commençait réellement. Il y avait quelque chose de, je dirais pas démoniaque parce que c'est un petit peu ridicule, mais de intensément douloureux. Franck Péquet, quel pourrait être le synonyme de stase? Parce qu'on ne peut pas tout à fait le traduire par immobilité, ce serait un peu comme un état, quelque chose d'ambiental un peu dans ce terme-là. Alors, effectivement, c'est un état dans la durée qui change. La problématique du changement, c'est que... elle peut être à la fois liée à la concentration d'écoute de l'auditeur et un fait exprès de la part du compositeur. Et je pense que c'est chez Feldman, il y a cette idée de faire se succéder dans le temps des durées bien spécifiques, des instants, avec un contenu sonore particulier. Je ne pourrais pas dire comment finalement il est fait là, mais on a l'impression d'une suspension temporelle dans la mesure où on n'a jamais le sentiment que si on revient en arrière, on retrouve un bloc constructif qui va nous servir pour aller de l'avant. En fait, c'est un principe de temps circulaire où les événements se succèdent les uns et les autres. Ils appartiennent à la composition, ils font partie de la structure, mais je pense qu'ils peuvent être interchangeables. Thank you. donc c'est une façon de poser les sons comme ça dans l'espace, comme vous disiez, sans véritablement intérêt pour savoir là où il s'arrête. N'empêche qu'il a quand même des procédés d'écriture qui sont très formalisés. Il utilise des chiffres, mais il ne les utilise pas comme des symboles, il les utilise presque comme des garanties qu'il n'y aura surtout pas de sens métaphysique qui pourrait intervenir. Alors effectivement, il a une conception de la composition assez boulésienne, hein, autant que je m'en souvienne lors des cours particuliers. Cela correspondait à la sortie de l'idée du système de Boulez dans Inharmonique 1. Et on avait souvent des discussions là-dessus, c'est-à-dire que moi je me lançais dans des créations avec un système, quelquefois pas forcément une idée suffisamment définie. Et j'ai d'ailleurs conservé de lui quelques écritures sur mon cahier de composition où, pour m'assister ou m'aider dans la création, il faisait un petit dessin d'une note à un rythme précis, pointé ou non, et disait « ça c'est l'idée, on va la développer ». Donc on en avait deux ou trois, et ensuite tu pourras construire à partir de là quelque chose. La musique classique et au-delà, c'est métaclassique, avec David Christoffel. Donc il y a toujours eu une fascination pour Boulez, le concepteur d'un système et qu'il articulait autour d'une idée, et en même temps une sorte d'humour pratiquement sarcastique vis-à-vis de tout ce qui pouvait relever de l'académisme, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'ayant été très proche de Cage, il rejetait, peut-être avec une sorte de paradoxe, en tout cas pour l'étudiant que j'étais, c'était comme ça que je l'avais perçu, il rejetait l'académisme, mais il se servait finalement d'une sorte de discours théorique pour justifier auprès de ses étudiants comment construire leur propre musique. L'aléatoire dont on a beaucoup parlé, dont il s'est utilisé, était un aléatoire construit. Mais un aléatoire à charge contre quelque chose qui serait plus organique. On a l'impression, dans ce que vous décrivez, de la manière dont vous a quasiment appris à composer, qu'on pose un geste quasiment gratuit, qu'importe le point de départ, pour peu qu'on ait un beau développement. Alors après, c'est la problématique d'avoir un matériau qui vaille quelque chose, soit en le contextualisant dans la temporalité, soit parce qu'on a une idée et on veut l'exprimer sans forcément vouloir se contraindre à des modalités classiques, on va dire, de développement. Ça se passe, c'est... Comment vous évaluez les personnes et leur autonomie? Ça se passe par téléphone? Non, pas par téléphone, madame, s'il vous plaît, c'est votre médecin. Ah, mon médecin, mais donc, ouais. Mais je l'ai... Vous savez, j'ai vu mon médecin généraliste en vélo. Je rentrais, il était 21h, je l'ai croisé en vélo et je voulais lui dire, parce que j'ai rendez-vous dans une semaine, et je voulais lui dire que j'avais très très mal aux doigts parce que je sais pas ce que j'ai. Et en fait, elle m'a pas vue. Ah, d'accord. Et alors, vous avez quand même son numéro de téléphone, madame? Ouais, je crois que j'ai même son portable. Elle vient... Vous pouvez, je peux le chercher pour vous, hein. C'est pas de... Non, mais elle vient même à mes expos et tout. Mes médecins sont mes amis, parce que, voilà, j'ai un... D'accord. Quelle chance. C'est pas le cas pour moi. Quelle chance? Pas forcément. Des fois, il faut pas tout mélanger non plus. Il y a des médecins qui sont pas très... pas forcément garant de ce que je fais artistiquement, mais d'autres sont très fans, alors dans le lot j'en ai tellement que bon, on s'en sort, mais... D'accord. Donc, dans quelques instants, vous allez recevoir le tout sur votre boîte mail, et vous allez recevoir un message SMS sur votre téléphone portable. Donc je vais vous assister jusqu'à ce que vous receviez votre message SMS parce qu'il contient votre code de validation. Vous avez votre code de validation. S'il vous plaît, madame Villiers. Code de validation de quoi? Code de validation pourquoi? Pour la demande, ça déclenche l'envoi du courrier électronique et ça déclenche aussi l'envoi du courrier postal. Donc vous allez continuer de m'envoyer des choses par la poste? Oui, bien sûr, je vais vous envoyer donc quelques instants ce que vous allez recevoir sur votre boîte mail, c'est exactement ce que le facteur va vous ramener la semaine prochaine. Mais il n'était pas question qu'on arrête les trucs par la poste, vous m'avez pas dit ça tout à l'heure? On voulait être un peu écologique, tout ça, mais en fait, non? Ah non, oui, non, c'était pour le truc artistique finalement, oui, ok. Oui, mais d'après votre demande, madame, vous m'avez demandé que vous souhaitez bien sûr recevoir du courrier du papier. Ok, peut-être. Comme du sponsor un peu. Ouais. Okay. Non, mais ok. Oui. Vous avez ma parole, madame. Je vais vous envoyer du courrier. Ne vous inquiétez pas. Vous allez me recevoir la semaine prochaine. Bah, je vous répondrai. Hein. Si vous m'écrivez, je vous répondrai. Moi, je suis très très fidèle en termes de courrier postaux. J'ai envoyé pas mal de cartes cet été encore à la mairie. Mais. Donc, vous aviez besoin d'autres informations ou... Non, s'il vous plaît, à part la situation familiale, que souhaitez-vous que je marque? Célibataire, marié, divorcé, séparé de conjoint, vraiment, concubine. Que souhaitez-vous que je marque, s'il vous plaît? C'est selon mon souhait, en fait, je mets ce que je veux. Oui, bien sûr, s'il vous plaît. J'ai le droit de mentir ou d'inventer une situation Non, madame, parce que après, peut-être vous serez obligé de le modifier si jamais vous n'aurez pas des remboursements par rapport aux enfants à charge. Ou... C'est juste un exemple, c'est juste un exemple. Ouais, je pense pas que j'aurai des enfants de toute façon, donc ça vous pouvez déjà ne pas le mettre. D'accord. Mais, D'accord, je peux mettre soit célibataire, marié, veuve, divorcé, séparé de conjoint judiciairement, concubine ou passée. Mais si, le problème, si je mets célibataire, c'est-à-dire qu'en gros, je dois rester célibataire, quoi. Je dois pas me mettre en couple, à partir du moment où c'est marqué célibataire, je dois rester seule. C'est ça le truc ou... Non, madame. Non, s'il vous plaît. Si, pour l'instant, vous êtes célibataire et après, dans 2 jours, vous en couple, il suffit juste de le contacter, moi, je vais le changer pour vous. Mais, après, si je sais pas trop... Parce qu'en fait, j'ai... Dans mes problèmes de sang... Dans mes problèmes... Je vais mettre passé, y'a pas de soucis. Je vais les mettre quoi? Je peux mettre passé, bien sûr. Vous allez mettre quoi? Alors, j'ai célibataire, marié, veuve, divorcé, séparé de conjoint, nécessairement, concubine ou bien passé. Et paxé, c'est quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr, ça c'est pour les gens qui sont pas divorcés, mais quand même, chacun vit avec un autre sans couple, chacun gère ses papiers séparément. Ah, mais moi, j'ai jamais vécu à autre chose qu'avec mes parasites intestinaux, mais. Je pense pas que j'ai été. Je pense que ce serait une erreur de mettre ça quand même, mais. C'est quand vous souhaitez, madame. Non, s'il vous plaît, vous souhaitez que je mette célibataire? Bon, on peut essayer. D'accord. Et je voulais aussi savoir, est-ce que votre portable est à portée de main? Attendez, alors, à portée de main... Attends, oui, si je m'étire... Oui, en m'étirant, j'atteins mon portable. Oui, oui. Assez, j'ai le bras assez grand. Oui, alors, j'ai mon portable à côté de moi, maintenant. D'accord. Je vais vous envoyer votre message de main qui contient votre code de validation. Le petit carnet, s'il vous plaît. Et ça, dès que vous recevez le message, dès que vous me communiquez le code, ça va déclencher l'envoi automatique du courrier sur la boîte. Sur la boîte, vous allez recevoir votre mail à l'instant même. Ouais, vous êtes aussi vif que moi. Oui, c'est mon travail, madame. Vous faites des formations pour la vivacité? Pardon, je dis ça, je vais être dans le séminaire de Bernard Andrieux, donc on va en reparler, mais. J'attends, mais là, il est toujours pas. On fait aussi des formations au niveau du site internet par rapport au. Vous avez des postes à pourvoir? Parce que là, je cherche du travail. Mais informatique. C'était mon problème actuel. D'accord. Non, madame, c'est pas le service de recrutement. Mais... Après, bon, je sais pas si mes travaux vont plaire forcément à votre structure, mais... D'accord. Là, le message est déjà envoyé. Dès que ça sonne, vous me le dites, vous me communiquez le code. Comme ça, je vais aller sur le portable. Mon téléphone n'est pas très très jeune. Mon téléphone n'est pas très jeune, mais il va à sa vitesse. Hein. On n'est pas très en... Tout comme moi. Tout comme moi. Comme ça, comment ça, comme vous? Vous m'avez dit que votre portable, mais c'est pas un portable qui est jeune. Tout comme moi. Vous, votre portable n'est pas jeune? Non, plutôt moi. J'en fais partie de l'ancienne génération, madame. Ah. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez reçu un message SMS, c'est bon? Oui, apparemment, non. Si comme la vie. Non, j'ai pas reçu de SMS. De message SMS. Sur le 06 28 09 79 27. Alors là, non. Par contre, c'est vrai que mon numéro de téléphone, je le connais. Tout là, Natacha Guillière, comment on fait pour faire durer comme ça une conversation téléphonique? Moi, souvent, en fait, quand je reçois des coups de téléphone, c'est souvent des gens qui veulent me vendre quelque chose, souvent sous forme d'arnaque. Et je crois que ma technique, en fait, c'est de passer par l'intime. Enfin, en tout cas, d'inverser les rôles où finalement la personne veut en savoir sur moi, me questionne, ou c'est déjà des choses sur moi parce qu'elles sont publiquement accessibles. Et j'essaye d'inverser la chose où c'est moi qui vais poser des questions à l'interlocuteur que je ne connais pas, de manière à lui faire parler de lui et juste quelque chose de l'affectif ou de la confidence. Et quand la personne se rend compte que je m'intéresse à elle, finalement, elle est très surprise et très agréablement surprise de ne pas se faire envoyer promener souvent. Comme le mot arnaque, souvent, met fin à la discussion, je sais comment arrêter là. Et si, au contraire, que la discussion téléphonique dure longtemps, il faut que je passe autrement vers des choses qui vont les surprendre. Et ils vont sans doute se faire avoir. En tout cas, commencer à se livrer, et là, la discussion peut durer. En fait, c'est-à-dire que quand on ouvre la boîte de l'intimité, on éclate les contraintes du temps. Je pense intimité, il y a aussi le côté humain, où finalement, je vais m'intéresser à cette personne qui est sinon souvent assez maltraitée dans les appels comme ça de vente. Il y a beaucoup d'agressivité, et en fait, le fait de pseudo-créer un lien avec un inconnu comme ça, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, et avec une gentillesse ou en tout cas un intérêt pour lui, pour ce qu'il me propose, ou en tout cas pour aller plus loin, en savoir plus sur lui. On peut les manger quand on a quelque chose de peut-être chaleureux finalement qui change du quotidien, et finalement les gens trouvent ça agréable et oublient le côté rendement et commencent à parler. Et j'essaie de rebondir pour que cette discussion se poursuive, parce que comme ils reviennent à leur objet de base, mais j'arrive à détourner la discussion pour qu'elle dérive un peu vers des choses qui n'étaient pas prévues de s'échanger. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vraiment le crier sous tous les toits. On pourrait dire que pour faire durer une conversation, il faut la sortir du rendement. Oui, je vous crois, madame, je vais refaire la... Il y a un côté détournement, où en fait, par la surprise de quelque chose qu'on n'est peut-être pas habitué encore dans notre société, où les gens sont vraiment dans la performance et le rendement, la rentabilité du temps aussi, on a peu de temps à consacrer aux autres. Donc c'est vrai que dans plein de domaines, justement médical, parce que c'est souvent j'ai affaire à des gens quand même qui essaient de me vendre des choses d'assurance maladie ou des choses comme ça, c'est une denrée très rare en fait, le temps consacré. Donc quand eux essayent par tous les moyens de me vendre quelque chose, finalement, j'inverse le processus où moi je leur donne du temps où ils peuvent s'exprimer sur leurs propres problèmes. Et ça, c'est quelque chose, cet espace, ils ne l'ont peut-être pas en fait. Donc c'est comme si je jouais un rôle de psychologue finalement, alors que l'inverse était peut-être au départ plus évident. Et en fait, ça marche parce que sans doute les gens ont des trucs à dire et n'ont pas l'espace pour le faire. Donc c'est le moment un peu improbable où ça a lieu. espèce d'avis d'essai et quelque chose d'une nouvelle assurance, ça me paraît un peu complexe. À ce stade de ma vie, j'ai pas besoin d'une nouvelle assurance, j'ai pas vraiment beaucoup de temps encore à le programmer, donc... S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, la documentation que je vous ai envoyée, ça concerne le capital que vous aurez le droit de toucher en cas de perte d'autonomie. Mais on dirait aussi que vous mettez de la psychologie là où il demande de la communication. Quand, par exemple, il vous demande une information, vous faites un petit peu foirer la demande d'information pour un motif plus ou moins personnel, mais quoi qu'il en soit, assez inattendu, justement parce qu'il rompt la logique de juste comprendre l'information. Oui, il y a un petit côté ironique, je pense aussi, qui n'est pas tout de suite détecté par la personne en face, mais au bout d'un moment, elle se rend compte que je joue un peu avec ses demandes et à la fois elle rigole et à la fois elle se laisse entraîner, bien souvent, parce qu'il y a quelque chose de la distraction de sa tâche aussi habituelle qui est amusant, agréable, ou en tout cas qui est une sorte de vacances dans ses entretiens téléphoniques qu'elle doit faire toute la journée, j'imagine, de manière comme ça enchaînée et pour avoir le plus grand nombre, sans doute, d'interlocuteurs et d'arriver à faire des ventes. Et après, je ne sais pas quelles sont les conséquences dans son travail, sa rémunération, mais j'imagine que ça peut avoir des conséquences néfastes aussi, d'avoir peut-être perdu du temps dans le travail, mais peut-être gagner du temps dans quelque chose de précieux d'un moment partagé. Attendez, excusez, je vais lire tout quand même ce que j'ai reçu. Le code 1-1-1 vaut pour une signature électronique d'un contrat pour une garantie Horizon IG hospitalisation. Horizon tempo d'essai à effet du 30 août 2019, souscrit auprès du courrier Prestige Courtage 3 pour un montant de 43,75 €, prélevé mensuellement. Voilà. Pour toucher des indemnités journalières de 100 € et pour un capital de perte d'autonomie de 100 000 euros. Comme ça, après que vous recevez le tout, vous l'étudiez à tête reposée. Mais non, parce que... Nous continuerons ensemble sur la même base. Ça me paraît un petit peu bizarre de devoir payer avant de pouvoir poser ma conscience et me poser des questions sur... Déjà, ma situation... Excusez-moi, mais je vis dangereusement. Et je n'ai pas intérêt à cumuler des sécurités sociales vu la précarité de ma vie. C'est vraiment mettre en jeu de l'argent inutilement. Natacha Guiller, quand on se donne l'intention de faire durer une conversation, on ne peut pas avoir d'autres intentions au risque d'être pris pour méchante ou mal intentionné, parce que il pourrait cet interlocuteur, l'assureur, finir par penser que vous le prenez pour un idiot. Des fois, je le verbalise pratiquement, hein, parce que quand même, il y a souvent une idée dont on essaye de m'avoir, de m'arnaquer. Et il y a un côté de lassitude, en fait, de recevoir ces appels quasi quotidiennement, où il y a un moment donné où je décroche et je me dis, bon, je ne raccroche pas directement, je prends l'appel, mais du coup, j'en fais quelque chose d'intéressant pour moi, en tout cas, parce que c'est quelque chose que je ne contrôle pas, en fait, ces appels. Je ne suis pas sur liste rouge, donc il y a des gens qui m'appellent régulièrement des institutions comme ça. Et à la fois, je me dis, bon, il y a quand même un vrai lien qui se crée de complicité dans quelque chose où peut-être tous les deux, on sait qu'on délire un peu. Et des fois, il y a un côté où finalement la personne est complètement bornée. Donc je me dis, bon, ben, moi je continue un peu dans une histoire un peu folle où je commence à raconter des trucs un petit peu étranges et que l'autre essaye toujours de s'attacher à son objectif de base. Et en général, ça dure moins longtemps, ça finit par couper court parce qu'il doit passer à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que quand on voit la durée d'arrivée, qu'on voit par exemple que tel quatuor va durer 5 heures, on peut avoir l'impression que la durée va envelopper tous les événements qui s'y déroulent, alors que c'est le contraire, c'est-à-dire que la durée n'est jamais que le résultat d'un processus qui est assez millimétré finalement. Ben, il y a la durée qui est projetée par le compositeur dans l'espace, finalement, et puis il y a la durée vécue de l'écoute. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une tension qui se crée, c'est-à-dire que comme il y a assez peu de développement, disons, perceptible vis-à-vis des paramètres qu'on a souvent... que l'on peut percevoir comme étant aisément développables, à savoir... Les rythmes et les hauteurs de son, en tout cas, c'est des paramètres de référence qui nous permettent de situer finalement l'écoute dans un parcours temporel. On pourrait y ajouter bien sûr les intensités aussi, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de climax dans cette musique. C'est pour ça que c'est une musique circulaire qui cela a pour effet de tuer finalement la perception temporelle, instante, des événements. On n'a pas d'attente. Si on n'a pas d'attente, on ne peut pas dire qu'il y a une durée, puisque le temps n'est plus là pour fixer finalement les bornes de l'attente. Mais est-ce qu'on peut parler d'une intention méditative ? Parce qu'il y a une efficacité à disperser l'attention au sens où l'attente se trouve abolie, mais est-ce que pour autant cette abolition fait partie du programme ? Enfin, est un projet ? Alors, je pense que pour Feldman, qui a très tôt été bercé dans la musique expérimentale, je pense que c'est un véritable système musical et que effectivement il y a une intention qui est sa motivation de compositeur et celle d'écrire finalement des systèmes qui sont sans doute assez complexes et on n'est peut-être pas assez préparé pour les assimiler. Il faut quand même dire qu'à l'époque où je travaillais avec Feldman, n'avait pas la réputation qu'il a maintenant. Feldman, à cette époque, c'était pas un compositeur très connu. Cage, oui, mais pas Feldman. Il y a un regain d'intérêt aujourd'hui sur Feldman parce qu'il y a une sorte d'énigme dans ce qui nous fait écouter. Et justement, elle est peut-être dans cette intention méditative dont vous parliez. Où va-t-on lorsque l'on veut vouloir faire entendre des stases méditatives sur le son ? Que cherche-t-on ? Est-ce que c'est lié à une philosophie bouddhiste ? Est-ce qu'il n'y a pas une influence derrière, une forme d'idéalité qui consiste à dire qu'il faut faire abstraction de l'écoute consciente et passer le cap vers un état méditatif. Moi, je l'ai pensé, en tout cas, tout à fait, à l'expérience, en écoutant ses œuvres par terre et en constatant que tous les étudiants était comme moi dans cette sorte d'extase, d'écoute extatique qui produit quand même physiquement son effet, qui est celui de, oui, d'endormir, mais agréablement, on va dire, la conscience réflexive. Mais alors, est-ce que c'est une espèce de principe, voilà, américain, d'être expérimental par habitude ou bien par effet de génération de ce moment-là ? Ou est-ce qu'il y avait une sorte de curiosité presque morale, quand vous dites rationaliser à minima, se donner le vertige de voir jusqu'où on peut ne pas se donner de principe ? Chez Feldman, c'est sûr que ça m'avait surpris parce que je considérais que sa musique était finalement plus expérimentale dans le sens compositionnel qu'elle n'y paraissait quand on cherchait à l'analyser et quand on regarde un peu les contenus de ses cahiers et aussi à la lumière de ce qu'il a pu nous dire. Culturellement, moi, je recherchais à cette époque, je venais de faire une thèse aussi, des explications, quand j'ai parlé de rationalité, qui puissent me permettre de comprendre par une forme de justification verbale pourquoi on produit cette musique et pas celle-là, en l'occurrence celle de Feynman, assez statique, avec une rareté événementielle et un effet finalement de suspension spatio-temporelle sans climax. Ça me paraissait une sorte de réaction par rapport à d'autres musiques, sous-entendu la musique sérielle et post-sérielle ou sérielle intégrale de l'époque, voire post-tonale, puisque Ferneau est venu après lui et on a qualifié sa musique complexe de post-tonale. Après la tonalité, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'il me semble intéressant de dire quand même aussi Feynman que le ton ne lui apportait pas au sens vertical du terme. On n'a pas le sentiment que les harmonies, c'est son problème. On a plutôt le sentiment que c'est le développement mélodique et sa distribution dans le temps qui importe. S'il y a des superpositions qui peuvent faire penser à des accords, il ne les a pas forcément construits dans la verticalité. À l'arrivée, on dirait que les événements ne sont plus tellement des événements dans la musique de Feynman. Alors non, parce qu'il faut prendre sa musique et ses pièces comme une totalité, donc comme une expérience d'écoute globale, où on démarre l'écoute et on va jusqu'au bout du processus d'écoute et on vit une expérience acoustique très particulière qui est celle d'avoir le sentiment de ne plus être dans un temps fléché. Est-ce qu'il faut inventer sur soi-même pour combler ? En général, j'essaie d'être assez honnête, mais peut-être des fois d'apporter des détails qui sont un peu inutiles. Mais inventer vraiment, non, peut-être des fois accentuer un peu des choses. Mais je suis pas sûre d'inventer tellement. Sauf pour me protéger éventuellement si je dois donner des informations et que je suis moi aussi méfiante finalement de la personne en face. Ça peut m'arriver de mentir sur mon identité par exemple. Mais pour justifier de leur prendre autant de temps, il faut quand même potentiellement amplifier ses propres problèmes ou les exposer comme plus dramatiques qu'ils ne sont. Oui, il y a un ton à trouver sans doute. Après, je suis pas certaine de les grossir tellement parce qu'ils sont réels, mais des fois ils sont plus à cette ils ont évolué aussi dans le temps et peut-être je vais prendre la partie de ma vie où ils étaient le plus envahissants, mais véritablement ils ont été très très envahissants et j'ai pas eu de solution pendant pas mal d'années. J'ai quand même bien galéré avec ma santé, donc finalement aujourd'hui j'ai trouvé une certaine équilibre et liberté un peu plus large, mais quand même le problème n'est pas réglé et la médecine traditionnelle française ne peut plus grand chose pour moi. Donc, moi j'ai vu d'autres personnes avant vous et en fait j'ai eu ce genre de processus et on m'avait dit au bout de telle date, ce sera bon. Et puis en fait, ça s'est pas révélé, ça a pas marché en fait. C'est pour ça que je suis un peu à bout du... J'ai fait tout ce que je pouvais. Je comprends, vous avez eu des doutes, ça n'a pas été du tout. C'est comme vous avez eu des médecins, d'autres médecins, ça n'a pas été du tout. Les personnes ne sont pas parlées du tout. Là, autant qu'on est malade, on cherche à se soigner. Moi, personnellement, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous dire comment je suis, et comment je travaille, qu'est-ce que je fais. Et quand vous me voyez, vous-même, vous allez savoir qui je suis. Et moi, je vais faire devant vous ce qui est sur vous, parce que si je vous dis oui, je vais le faire sortir devant vous et vous allez voir. Donc si c'est quelqu'un qui vous a jeté aussi, la personne, non, je vais la faire parler, vous allez entendre. Pour moi, il n'y a aucun problème. Mais là, il faut que vous passiez au cabinet, qu'on consulte et savoir exactement ce qu'il y a. Oui. Pour vous, c'est quelque chose de l'ordre d'un envoûtement, c'est ça que vous êtes en train de dire ou... Ça peut être un envoûtement, c'est-à-dire là, on peut jeter quelque chose, on sort sur quelqu'un, et ça peut être... sur des travaux, et ça peut être qu'on donne à manger ou marcher là-dedans, ou coucher là-dedans, donc il y a plusieurs sortes de travail sur ce côté-là. Mais là, ça peut être ça, mais je ne sais pas exactement c'est quoi, mais il faut consulter d'abord pour être sûr ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il y a exactement. C'est pour ça que je vous dis de venir, c'est une seule fois, la consultation c'est une seule fois, et il n'y a plus d'autres. Donc dès qu'on le fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui. Mais se diriger vers ces solutions avec, par exemple, la contrainte de rester le plus longtemps au téléphone, c'est une manière de jouer avec. Oui, il y a toujours un côté un peu ironique et à la fois c'est quelque chose auquel je crois, puisque ces dernières années, c'est quand même ces méthodes-là que j'ai expérimentées sous des formes diverses, mais aussi bien des danses rituelles que des rencontres avec des païs brésiliens. Et il s'est passé des trucs quand même.